Avant-propos. Lorsque j'ai commencé à travailler sur ce document, je l'envisageais comme un travail collectif. Je comptais sur l'émulation suscitée par la table ronde initiale, dans ce cadre si particulier qu'est l'ABOGN, un espace de réflexion et de création autour du jeu de rôle grandeur nature qui a, depuis une douzaine d'années, mené à formaliser et conceptualiser bien des choses dans les franges les plus expérimentales de notre pratique, pour produire un document synthétique. Je l'imaginais comprenant une partie analytique rédigée sur la page de droite et doublée sur la page de gauche de résumés mis en page pour faciliter la prise en main des concepts, des témoignages anonymes émanant de personnes ayant occupé diverses positions dans une crise, et une partie outils, envisagée comme une liste de pratiques et de solutions possibles à diverses situations critiques. Or, l'émulation a, comme souvent, fait long feu. Ce travail s'est avéré hautement solitaire. J'en ai rédigé la quasi-totalité, bien que les échanges avec les personnes créditées et d'autres, concernées par des situations d'exclusion communautaire notamment, m'aient constamment enrichi, fait évoluer, amené à reconsidérer ou radicaliser mon propos. Des séances de travail collectif, avec Rachel, avec qui j'ai posé les bases, le plan sur lequel a été construit le guide, Leila ou Nadia, les échanges mails avec Coralie ou encore la table ronde de la dernière chance à l'ABOGN 2021, suite à laquelle Lucie m'a rejoint et a apporté une aide salutaire pour lire, compléter et achever la version que vous voyez ici, ont été absolument nécessaires et ce document n'aurait jamais pu être complété sans cela, malgré mon acharnement, sans les regains ponctuels d'énergie ou l'opiniâtreté renouvelée permis par ces moments sociaux et les commentaires et suggestions toujours pertinentes des personnes qui ont jeté un œil sur le texte chaque fois que j'en ai soumis une version. Les discussions, l'expérience et les documents fournis par Clément C, les apports de Juliette, les partages de compétences, lecture et mise en pratique avec Clément R, les camarades de la bibliothèque Anarcha Féministe de Toulouse, la discussion initiale avec Romain, les échanges transparadigmes avec Vraël, tout cela et bien d'autres choses et personnes ont contribué de façon décisive à ce document tel qu'il existe. Vous constaterez rapidement qu'il n'y a pas de page de gauche, bien que ces pages soient de gauche, humour. Nous avons abandonné les témoignages, les outils ne sont pas une simple liste, et l'analyse est plus que touffue. C'est que ce travail, porté bien davantage par la détermination et la conviction de son importance politique que par l'enthousiasme, sans doute premier mais fort bref, est impossible à achever. Je m'explique. Il s'agit de savoirs chauds, cruciaux, en perpétuelle évolution, qui agitent les marges de la société et les luttes politiques. Du savoir situé, nécessaire, impossible à refroidir et, à mon sens et à ce stade du moins, insoluble. J'ai conscience que vous dire ça alors que vous vous apprêtez à lire plus d'une centaine de pages de ma prose de réformé de l'université a quelque chose de profondément décourageant. C'est sans doute un peu parce que je le suis aussi découragé. Mais pas radicalement. C'est une forme de découragement qui demeure créatif, quelque chose comme le « tu dois » catégorique de Kant. Ça n'est pas tout à fait non plus un découragement stoïque, serein, l'acceptation que je ne peux pas agir sur ce qui ne dépend pas de moi. C'est un sentiment fréquent chez moi, quoique je reconnaisse sans peine que ce moteur a quelque chose d'un syndrome du sauveur généralisé, que l'importance politique d'un sujet vaut la peine qu'on se mette en danger, qu'on se trompe, qu'on trébuche, qu'on s'engueule même. Alors je le dis d'emblée. Je suis pétri de contradictions, et ce document l'est aussi. Je parle d'une position de personne qui a été forcée dans le cadre de relations romantiques ou sexuelles préalablement consenties et que l'idée de dénoncer publiquement les personnes ou de porter plainte n'a jamais effleuré. Parce qu'à l'instant même où je me trouvais victime de violences sexuelles, leur caractère systémique m'apparaissait si clairement que je ne suis jamais parvenu à en vouloir pleinement aux individus. Lors de la dernière relation où cela s'est produit, j'ai subi du chantage au sexe récurrent, puis une ultime occurrence où les séquelles physiques m'ont forcé à réaliser qu'il s'agissait d'un viol. J'ai eu mal. J'ai mis des années à m'en remettre assez pour ne pas être tout à fait en hypervigilance quand je fais du sexe. Mais je ne lui en ai pas voulu, exactement. Je ne lui en ai pas voulu parce que, dès le départ, pour moi, c'était le système qui était responsable. J'ai blâmé le patriarcat, pas son agent, pour qui je ne pouvais avoir que de la pitié, qui est une forme de mépris. Ce qu'il m'intéresse de partager avec vous n'est pas le fait, sordidement banal, d'avoir été violé, mais ce que ça a engendré chez moi comme mécanisme de pensée. En vérité, je ne vous partage ça qu'au cas où vous ayez, à la lecture du texte qui suit, pensé des choses du genre « si elle avait été victime d'agression, elle ne dirait pas ça ». Et elle blâme les victimes ou défend les agresseurs. En tant que victime de viol, slash agression sexuelle, slash violence psychologique, il m'est impossible d'être d'accord, etc. Exposer le fait que, comme tant de femmes et de queers, mais pas que, j'ai vécu les violences sexuelles, contribue à situer le point de vue, l'expérience complexe qui s'incarne notamment dans un rejet de la gestion de la violence subie par l'exclusion ou l'enfermement des perpétrateurs. Cela ne rend pas mon discours juste. Il demeure possible, évidemment, de ne pas être d'accord. De nombreuses personnes sont en désaccord avec la posture radicale que je m'apprête à défendre. D'autres sont en accord. Certaines des personnes qui sont en désaccord ont subi des violences sexuelles. D'autres en ont commis. D'autres, ni l'un ni l'autre. Il en est de même pour les personnes qui partagent ma vision. En définitive, il n'y a rien dans le paratexte, dans mon identité, mon engagement ou mon expérience, qui puisse vous indiquer si vous devriez ou non être d'accord avec ce manuel, slash guide, slash essai. Je ne sais plus, je l'admets. Vous allez devoir vous faire votre propre opinion, et j'espère que vous prendrez le temps de lire attentivement avant de décider. Je vous parle ainsi d'une position de tiraillement interne, d'impossible guérison dès lors que mon ennemi ne saurait être une poignée d'hommes qui m'ont blessé, mais le patriarcat qui les a engendrés. Et il ne suffit pas de relationner avec des personnes qui ne sont pas des hommes cis pour sortir du patriarcat et du système du viol. Je parle aussi de la position de quelqu'un qui a maintes fois préféré partir, s'auto-exclure, car la bataille semblait perdue ou que je n'avais pas l'énergie de la mener. Partir pour ne pas rendre les armes. Ensuite, ma position est aussi celle d'une personne qui a subi de l'exclusion communautaire, bien que j'ai eu la chance, entre guillemets, d'avoir suffisamment d'attaches sociales, et d'une façon marginale, de prestige en qualité d'intellectuel ou chercheur dans le milieu du GN, pour ne jamais me retrouver totalement seul. Enfin, j'écris en tant que personne qui a participé ou initié des exclusions, à de petites échelles, qui a été en conflit de nombreuses fois et ne semble toujours pas parvenir à bien gérer. Bien que, là encore, réussir un conflit implique la coopération et une capacité mutuelle au désaccord qui en font une affaire hautement collective, de laquelle je ne saurais être totalement ni responsable, ni absoute. Je n'ai pas de formation spécifique, je n'ai que peu d'expérience heureuse en la matière, et même, m'a-t-on dit, je suis nul à ça. Bref, je ne suis pas légitime, quoi que cela veuille dire. Mais c'est un travail nécessaire, alors je le fais. Péniblement, non sans anxiété et même dépit, avec la conscience aiguë de vivre une sorte de supplice des Danaïdes où je ferai moi-même continuellement des trous dans le tonneau que je me suis donné la tâche de remplir. Aussi, ce que j'écris porte-t-il la contradiction? La mienne, et celle du système qui nous englobe et nous engendre et contre lequel nous nous arc-boutons. Tout comme être anticapitaliste à l'intérieur du capitalisme nous oblige à nous compromettre, à négocier constamment nos interactions avec un système économique et politique totalitaire, être anti-autoritaire dans une société répressive et qui récompense la prise de pouvoir individuelle nous fait courir le risque permanent de l'échec, de la réappropriation par les personnes qui bénéficient du système en place, du dévoiement. Devrions-nous en conclure qu'être anti-autoritaire ne fait pas sens? Les détracteurs de la justice restauratrice ou transformatrice objectent que ces principes peuvent être instrumentalisés par des individus pour se mettre hors de cause. C'est le cas, tout comme le call-out ou la dénonciation publique peuvent être instrumentalisés pour mettre des ennemis politiques hors d'état de nuire. Ça n'est pourtant ni l'objet, ni la majorité des cas. Mais oui, les outils que nous présentons ici supposent la bonne foi des personnes. Oui, tout ce qui est écrit ici requiert que les individus y prenant part désirent réellement faire société et lutter contre la fragmentation du corps social et l'individualisme sur lesquels s'appuie le patriarcat, le capitalisme et les autres systèmes d'oppression qui travaillent de concert à l'ordre social actuel. C'est pourquoi ce manuel s'adresse aux sous-cultures, aux groupes qui s'efforcent déjà de faire communauté sur la base de ce qui les marginalise, puisque j'en suis l'auteur, ce sont principalement les rôlistes ou géanistes, les queers et les nuances d'extrême gauche auxquelles je m'adresse, mais le propos est aisément transposable. Il s'agit de progresser, comme le titre Bell Hooks, de la marge au centre, d'avancer par contagion ou capillarité, de sorte que les idées politiques qui paraissent encore largement impensables finissent par gagner le mainstream. Qui sait? Peut-être que d'ici peu passeront pour réac celles qui défendront le système carcéral ou l'ostracisation communautaire. Lors d'un bref épisode d'engagement politique au sein d'un groupe communiste révolutionnaire à l'occasion du soulèvement contre la loi travail slash El Khomri en 2016, j'avais déclaré, non sans une certaine satisfaction quant à mon sens de la formule, « Nous ne pouvons pas demander aux gens de sortir de leur aliénation sans avoir créé les conditions de l'émancipation. » C'est-à-dire, un peu moins pompeusement, qu'une généralisation de la lutte anticapitaliste et consorts ne peut se faire sans que les prémices d'une sortie véritable du capitalisme soient accomplies. Un camarade plus âgé et rompu à la lutte avait rétorqué. Si, justement. C'est là tout le paradoxe, ce qu'on appelle en termes marxistes la dialectique. Nous ne pouvons pas sortir du système sans être sortis du système. Et pourtant, nous le devons. La réalité matérielle dans laquelle nous vivons et la société telle qu'elle devrait être interagissent perpétuellement, l'une mettant l'autre en échec tout en se laissant, bien malgré elle, travailler par sa contradiction. Ce manuel s'inscrit dans cette logique-là. Nous ne sommes pas prêts de sortir des logiques répressives et autoritaires dans lesquelles nous baignons. Nous n'y sommes pas prêtes non plus d'ailleurs. Il faut pourtant que nous nous y efforcions, parce que la société dans laquelle nous voulons vivre, libérée des oppressions, nécessite que nous agissions également sur cela. Ce que nous portons, ce que toutes les personnes engagées dans des luttes anticarcérales, anti-autoritaires et de justice transformatrice portent ou doivent porter, ce ne sont pas quelques réformes cosmétiques ou des outils pour faire bien. C'est un changement de paradigme.